Le magazine d'archéologie de France Culture devait s'attacher ce soir à un sujet capital autour des premiers hommes modernes Homo sapiens sapiens en Europe. Toutefois, notre invité n'est pas en studio ni en ligne, probablement un oubli. Donc, retour vers un sujet déjà évoqué, la grande victoire de Vercingétorix à Gergovie. Depuis quelques jours, une plateforme de diffusion télévisée et géant du web propose une nouvelle série barbare, tout à la fois lookée, violente et riche de poncifs. Celle-ci retrace l'histoire d'Arminius et la bataille du Teutoburg, cuisante défaite au cœur des forêts germaniques en l'an 9 de notre ère, infligée aux légions romaines menées par le légat Publius Quintilius Varus. Aujourd'hui, son héros, Arminius le Germain, est à l'Allemagne ce que Vercingétorix est à la France, tout à la fois jeune otage de Rome, puis farouche adversaire, périssant dans la disgrâce avant d'être ressuscité par le roman national. Délaissant la cause d'Arminius face à l'Empire romain, le magazine d'archéologie de France Culture se penche sur une autre actualité, moins romancée et toute archéologique cette fois-ci. Une grande bataille au cœur des terres arvernes, victoire de la Gaule libre et indépendante face à l'oppression romaine, la bataille de Gergovie. Loin du tumulte des armes de choc de ce peuple de guerre et de bruit, Yann Deberge vient d'exhumer sur les pentes du plateau de Gergovie le fameux camp édifié par César lors de son siège en 52 avant notre ère. Yann Deberge, Vincent Guichard, bonsoir. Bonsoir. En ligne de Clermont-Ferrand, Yann Deberge, vous êtes archéologue à l'INRAP et œuvré depuis de nombreuses années en terre arverne. Gergovie est au cœur de vos problématiques. Proto-historien Vincent Guichard, j'ai souvenir que vous avez vous aussi fouillé à Gergovie, mais aujourd'hui c'est à une autre très grande cité gauloise que vous vous vouez, Bibracte, capitale des Éduins, puisque vous êtes directeur général de ce grand centre archéologique européen du Mont-Beuvray. Vous êtes donc à Dijon, dans les studios de France Bleu Bourgogne. Disons-le tout de suite. Ce que vous avez trouvé est assez incroyable puisque le siège de César ne dure que quelques jours, quelques semaines, et il est toujours inscrit dans le sol. Yann Deberge. Alors oui, bon, c'est pas une totale nouveauté puisqu'on savait que les camps césariens devant Gergovie ont déjà été vus au XIXe siècle. Par contre, oui, il y a eu assez peu d'observations réalisées sur cet ensemble de vestiges qui se développe sur près de 7 km de longueur. Il y a quelques mois, on a pu réaliser une fouille, la première fouille en aire ouverte, qui sur une partie du grand camp de César installé devant Gergovie, pour la mise en siège de l'oppidum. Ce sont des vestiges extrêmement fugaces quand même. Oui, les ouvrages militaires romains sont par nature assez peu impressionnants. Hein. C'est-à-dire que on retrouve essentiellement les fossés périmétriques qui servaient à délimiter le cantonnement. Pour y loger la troupe légionnaire et la mettre un petit peu à l'abri. Donc, c'est essentiellement un fossé avec un profil particulier, donc un fossé à profil en V, qui faisait complètement partie de l'ouvrage de défense du camp, des camps romains. Vincent Guichard, vous savez à peu près combien de temps dure ce siège de César ? Non, pour autant que je sache, on n'a pas d'indication très très très précise. C'est au plus quelques semaines au début de l'été 52 avant notre ère. Restituons le contexte. La guerre des Gaules est engagée depuis maintenant plusieurs années. Après la chute d'Avaricum, qui est bien sûr Bourges, et son fameux massacre de sa population, que se passe-t-il ? Et c'est une course-poursuite qui s'engage entre César et Vercingétorix, qui consiste pour essentiel, je dirais, à affamer l'adversaire. On a de part et d'autre plusieurs dizaines de milliers de combattants. Donc c'est une guerre d'usure, il faut essayer d'affamer l'adversaire quelques jours avant d'être soi-même affamé. À dessein, probablement au moins en partie, Vercingétorix essaye d'attirer César après l'épisode d'Avaricum dans ses terres à lui, donc dans le cœur du territoire arverne, qui est le bassin de Clermont-Ferrand, l'extrémité sud de la Grande Limagne d'Auvergne. Pour vous, c'est une vraie volonté d'attirer César donc en terre Auvergne ? J'imagine mal un général comme Vercingétorix, qui était expérimenté, faire cela au hasard, hein, donc tendre un piège à César, oui, mais c'est aussi exposer les populations de son peuple. J'ose pas imaginer qu'il a tiré au dé, hein, pour prendre cette décision. Et quelles sont les forces en présence ? Côté romain, on sait que César est à la tête de 6 légions à Gergovie. Donc l'année 52, il a 10 légions qui stationnent en Gaule à l'hiver 53 et printemps 52. Et début 52, il entre en Gaule à nouveau avec 2 légions, donc il est à la tête de 12 légions. Il va scindre son corps d'armée en deux et à la tête de 6 légions, il suit Vercingétorix depuis Avaricum jusqu'en Terre Arverne. Donc il a au moins ces 6 légions qui sont composées d'environ 4000 légionnaires à peu près, donc ce qui représente autour de 25 000 combattants légionnaires, troupes légionnaires, auxquels s'adjoignent des auxiliaires éduins dont il parle, une cavalerie de 10 000 cavaliers apparemment. Et puis il faut imaginer qu'il y a tout ce qui compose le train de l'armée, donc les servants d'armes, les valets, les muletiers, etc. Donc oui, il est certainement à la tête d'une cinquantaine de milliers d'hommes environ devant Gergovie. Et il faut imaginer que Vercingétorix a probablement autant de combattants autour de l'oppidum. Vincent Guichard, César a des troupes auxiliaires gauloises, donc il y aurait eu 10 000 cavaliers éduins, ceux bien sûr du Mont-Beuvray ? En partie probablement. Le territoire éduin, c'est un très très vaste territoire qui se développe entre la vallée de la Saône et la vallée de l'Allier, donc à son extrémité, pas très très loin de Gergovie, à moins de 80 kilomètres. Donc il faut imaginer donc des combattants qui ont été recrutés dans ce vaste territoire, sans doute de façon privilégiée auprès des territoires contrôlés par des membres de l'aristocratie éduenne, qui restaient encore favorables à César dans cette année très confuse. Pourquoi les Éduins sont-ils toujours très proches de Rome, comme d'ailleurs les Rèmes ? C'est une vieille histoire à l'époque de la guerre des Gaules. L'originalité du peuple éduin est d'avoir signé un traité d'alliance militaire avec Rome dès le IIe siècle avant notre ère. On ne sait pas exactement l'époque, mais en tout cas avant la fin du IIe siècle avant notre ère. C'est pas banal, hein, un traité d'alliance entre Rome et un peuple barbare. Ça s'explique par la géographie. Le peuple éduin donc contrôle les voies de communication majeures entre la Méditerranée et la mer du Nord. Donc par ce traité militaire, les Éduins doivent assistance militaire à leur allié qui est Rome. Et ce traité, ils sont particulièrement attachés. Il sera d'ailleurs très probablement réactivé par César au lendemain de la bataille d'Alésia, avant de quitter définitivement la Gaule en 51 avant notre ère. Yann de Berge, les Arvernes ont aussi été très proches de Rome. Pour preuve, d'ailleurs, on dit souvent que Vercingétorix a été un petit prince à la solde de l'armée romaine. Il est probable que dans les premiers temps de la guerre des Gaules, qui concerne essentiellement les peuples de Gaule-Belgique et les peuples de l'Ouest, qu'un certain nombre d'aristocrates gaulois, et pourquoi pas les Arvernes et Vercingétorix lui-même, et servi aux côtés de César en tant qu'auxiliaire, justement. Hein. Il faut savoir que la Gaule, c'est pas du tout un territoire unifié. C'est une série de petites principautés ou de petits royaumes qui sont en lutte les uns envers les autres. Et s'il y a moyen d'aller faire du butin ou de prendre des richesses chez le voisin, ben, on s'en prive pas. Donc peut-être que dans les premières années de la guerre des Gaules, Vercingétorix a effectivement servi aux côtés de César. En 52, en tous les cas, c'est déjà plus le cas. Et disons que les Arvernes ont plutôt, à la différence des Éduins, une relation d'antagonisme avec Rome, puisque dès la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, c'est une coalition conjointe des Arvernes et des Allobroges qui est défaite par les Romains et qui va conduire à la conquête de la Narbonnaise. Donc à la différence des Éduins, les Arvernes ont toujours été en délicatesse avec Rome. Yann de Berge, Gergovie, c'est un puissant massif très haut, 700 mètres d'altitude, qui domine absolument toute la région. C'est ça, c'est une table basaltique comme il y en a beaucoup. Hein. Il y a l'oppidum de Coran aussi qui est à peu de distance. Gergovie, qui culmine à un peu plus de 700 mètres, domine la plaine alentour d'environ 400 mètres. Et les camps romains, justement, le grand camp, se situe au pied de Gergovie, donc avec un dénivelé d'environ 350 à 400 mètres de différence. Ouais. Alors la forteresse gauloise de Gergovie est bien sûr extrêmement puissante. Ce qui est très important, c'est que sa création est très ancienne. On évoque un premier état de rempart daté dès le 6e, 5e siècle avant notre ère. Et ça, c'est vous qui l'avez trouvé aussi. Alors oui, c'est une découverte qui a été faite suite aux fouilles conduites par mon collègue autrichien Thomas Pertl-Wieser, qui a repris une série de sondages, plus que des fouilles, sur la fortification de l'oppidum, qui avait jamais été revue depuis les années 30. Et qui a mis en évidence sous le rempart daté de la période laténienne, donc de la période gauloise, un premier ouvrage qui semble beaucoup plus ancien et qui livre dans les couches d'occupation qui sont liées à cet aménagement du mobilier qui est daté de la fin du 6e et au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il ne faut pas imaginer que Gergovie a été occupée en continu depuis cette période-là jusqu'à la fin de la période gauloise, mais on a au moins une occupation antérieure à cette période-là, au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et comment est construit ce rempart ? Alors le rempart le plus ancien, il a une architecture à poutrage interne, donc avec une armature de poteaux à l'intérieur, un double parement de pierre et puis une terrasse qui a été dégagée artificiellement en avant de la rupture de pente. Donc ça, c'est l'ouvrage le plus ancien, qui a tout à fait une forme celtique, entre guillemets, à la différence de l'ouvrage plus récent, donc qui est daté pour le second de la guerre des Gaules, et qui, lui, semble emprunter à un modèle architectural exogène. Alors justement, dans les années 52 avant notre ère, l'oppidum aurait été édifié selon un plan grec, du moins, on va dire, hellénistique. Alors c'est pas l'oppidum dans son ensemble, c'est la fortification de l'oppidum, donc cette muraille qui ceint au moins partiellement cette table basaltique de 70 hectares, qui architecturalement renvoie à un modèle qui est a priori grec plutôt, qui a été inventé au 3e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, et qui s'est diffusé progressivement en Méditerranée occidentale, jusqu'à atteindre le sud de la France dans les premières décennies du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui se retrouve être documenté à Gergovie. Et là, c'est quand même une chose très particulière et assez nouvelle. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'est plus fait de bois et de poutres, il est fait de pierres sèches avec des sortes d'éperons. C'est ce qu'on appelle un mur à éperons. Les éperons sont pas en avant, mais en arrière de la muraille. Donc c'est une forte muraille en pierre sèche qui fait 2 mètres de largeur, avec un mur principal qui fait 2 mètres de largeur, disposée à intervalles réguliers sur la face interne de la muraille, une série de murets plus courts qui étaient destinés à supporter un plancher pour agrandir le chemin de ronde situé en partie haute. Est-ce que l'on a retrouvé les portes, les points faibles de la forteresse ? Alors on connaît pour l'heure deux portes documentées sur l'oppidum de Gergovie. Une première porte qui se situe à l'extrémité sud-ouest du plateau qui a été extrêmement dégradée parce que reconstruite postérieurement sous le règne d'Auguste, ce qui a complètement oblitéré la porte plus ancienne. Et puis une autre porte qui est située à peu près au milieu du flanc sud de l'oppidum, qui a un aspect monumental et qui semble elle aussi pour partie empruntée à un modèle architectural exogène. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Yann de Berge, Gergovie est-elle la capitale virtuelle des Arvernes ou tout au contraire, une puissante forteresse dénuée d'habitat à l'intérieur? Je sais que le sujet a été lancé notamment par Mathieu Pou, qui fouille d'ailleurs le site voisin qui s'appelle l'oppidum de Coran. Alors la situation du bassin clermontois au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc au moment de la guerre des Gaules ou tout juste avant et tout juste après, est un petit peu particulière par rapport à ce qu'on a ailleurs en Gaule, c'est-à-dire qu'on a sur un tout petit territoire de 7 mètres de côté à peu près, juste au sud de Clermont-Ferrand, trois oppidas, donc ces grandes villes fortifiées de la fin de la période gauloise, qui sont concentrées sur un tout petit périmètre, puisqu'elles sont distantes les unes des autres de 7 kilomètres. Et en fait, c'est une anomalie quand on regarde par rapport à ce qui est l'organisation territoriale des autres cités gauloise qu'on tente d'expliquer à la lumière des fouilles qui sont réalisées, et des fouilles qui sont pas toutes équivalentes sur chacun des sites du bassin clermontois. Vincent Guichard, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? On parle même de capitale multipolaire entre deux sites, Coran et Gondole, en laissant de côté bien sûr Gergovie. C'est une très belle question archéologique, mais je dirais, en tout cas, qui exprime, je dirais, la difficulté qu'il y a eu à se stabiliser le lieu de la capitale arverne entre le 3e siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, avec son installation au moment du changement d'ère, donc à l'emplacement de ce qui est encore la capitale de l'Auvergne, Clermont-Ferrand, donc sous le nom d'Augusto Nemetum. Il y a eu des oscillations avec un regroupement de population tout à fait exceptionnel avant même l'apparition des oppidas, donc dans ce bassin très fertile des Limagne, notamment à proximité immédiate de Clermont vers l'est, site qu'on a l'habitude d'appeler entre nous le site d'Aulna, nom d'une commune périphérique de Clermont, avec plusieurs centaines d'hectares d'agglomération dense, mais dans une situation non fortifiée, donc dans une période qui est essentiellement une période de prospérité, de développement démographique et économique. Et puis cet épisode bref des oppidas, qui globalement dure un siècle à l'échelle du monde celtique, là prend une tournure vraiment, vraiment particulière dans le bassin de Clermont. Je veux dire qu'on est loin de tout avoir compris, et il est évident évident qu'il faut prendre en compte les trois sites fortifiés ensemble pour raconter cette histoire. Coran, qui est très clairement le premier centre de peuplement, le plus ancien, donc avec une population massive qui s'installe à partir de la fin du IIe siècle avant notre ère, avec très probablement la préexistence d'un sanctuaire sur le plateau de Coran. Et puis deux autres sites qui vont arriver dans le jeu et qui vont enrichir le débat. Un pôle d'activité très important en plaine, Gondol, qui a magnifiquement fouillé Yann de Berge et qui est un site actif au moment de la guerre des Gaules. Donc c'est assez agaçant de réaliser que César n'en parle pas. Et à l'évidence, donc Gergovie, qui est le pôle principal pour la seconde moitié du siècle, avec la question qui reste ouverte du moment précis où Gergovie accueille une population importante. Est-ce que c'est après le milieu du siècle ou est-ce que c'est pas plutôt un peu avant, comme je serais tenté de le penser, mais enfin, il y a le dossier est à préciser. On a le même scénario à Gergovie qu'à Bibracte. Gergovie va être la première capitale partiellement romanisée du peuple arverne. Donc, à un moment où, formellement, les arvernes sont un peuple indépendant, mais où ils vont commencer à équiper d'un point de vue monumental leur capitale comme une ville romaine. Et on va voir apparaître à cette époque-là notamment un sanctuaire et des grandes maisons à la romaine qui demeurent à être mieux étudiées parce que ce reste pour l'essentiel des fouilles très anciennes et des grands espaces de rencontres aussi en cours d'études par notre collègue Peter Yod. Gondol, c'est le fameux site, donc l'oppidum, où une série de cavaliers gaulois a été découverte il y a maintenant quelques années. César, comme à l'accoutumée, implante ses camps. Deux camps pour Gergovie. C'est l'un d'eux que vous fouillez partiellement, Yann de Berge ? Alors oui, c'est le grand camp. En fait, on a un programme de recherche qui dépasse la fouille qui a été réalisée au printemps de cette année, qui consiste en un réexamen des données anciennes données par les fouilles conduites sous Napoléon III. César, pour faire simple, a installé un grand camp, qu'il appelle grand camp, un petit camp, un camp d'approche qui se situe au pied même de l'oppidum, 3 km à l'ouest, et entre les deux, il a tiré une ligne de liaison qu'il dénomme double fossé et qui doit permettre la communication entre les deux camps. La fouille elle-même a concerné là très récemment une petite partie du grand camp. Il faut savoir que cet ensemble de vestiges a été très peu étudié finalement. Et puis on a conduit depuis 2018 une série de prospections géophysiques qui a pour but justement de retrouver de façon extensive le plan des ouvrages césariens devant Gergovie tels qu'ils ont été mis au jour au XIXe siècle par les fouilleurs de Napoléon III. Justement, vous avez aussi retrouvé les éléments des fouilles de Napoléon III, des sortes de diagnostics comme on en pratique aujourd'hui en archéologie préventive ? Alors Napoléon III va conduire une série de recherches sur les ouvrages césariens en Gaule, c'est un sujet qui l'intéresse particulièrement. Il va faire mettre en œuvre une méthode assez novatrice pour l'époque, qui va être une série de recherches systématiques sur de grandes surfaces par la réalisation de tranchées de sondages continus qui vont avoir parfois des développements de plusieurs centaines de mètres, qui vont quadriller l'emplacement présumé des lignes de retranchement romains pour les recouper et en tracer le plan. C'est un petit peu ce qu'on fait encore aujourd'hui lorsqu'on fait des diagnostics archéologiques, sauf qu'on les fait plus seulement à la pelle et à la pioche manuellement, mais on utilise des pelles mécaniques, ce qui va beaucoup plus vite. Mais sinon, sur le plan de la méthodologique, on est vraiment très très proche. Et donc, au cours de nos fouilles et des sondages qui ont eu lieu sur les ouvrages césariens, on retrouve assez régulièrement ces tranchées exploratoires qui sont assez modestes et qui recoupent les retranchements romains. Ce que vous avez trouvé, vous, dans le camp romain de César, c'est quoi ? Des fossés ? Alors oui, généralement, ce qu'on étudie lorsqu'on étudie les retranchements romains, ce sont les ouvrages défensifs. Jusqu'à très récemment, on pensait que c'était les seuls qui étaient détectables et encore conservés. Donc ce qu'on retrouve, c'est essentiellement le fossé qui sert à délimiter le camp et à défendre le camp pour le stationnement des troupes légionnaires. Alors la petite nouveauté, ça a été de trouver une série de petites structures de cuisson, donc des petits fours enterrés, puisqu'on en a fouillé 5 sur le petit secteur qui a été étudié, et qui renvoie au quotidien du légionnaire, puisque ce sont les aménagements qui leur permettaient de préparer leur repas au quotidien. Donc on peut imaginer qu'il y avait des sortes de tentes dressées dans le camp. Les légionnaires romains sont des militaires, et ils ont une façon très rationnelle et très normée d'organiser leur cantonnement, c'est-à-dire qu'ils vont organiser déjà le camp à une forme géométrique. Généralement, c'est un quadrilatère étendu. Et puis à l'intérieur, il va y avoir des séries de voies qui vont déterminer des espaces de cantonnement pour les différents corps de troupes. Et vous avez même trouvé une sardine de tente. Entre ces voies, on imagine qu'il y avait les tentes, puisque les légionnaires logeaient par groupe d'une dizaine par tente. Et on retrouve de façon assez régulière des piquets de tentes sur ces cantonnements romains. Et donc, à l'occasion des fouilles qui ont été réalisées cette année, on a retrouvé ce qui semble être un piquet de tente, effectivement. Vincent Guichard, vous êtes vous aussi intervenu dans les années 90 sur Gergovie. Qu'est-ce que vous aviez mis en évidence ? Alors, en fait, on intervient sur l'espace de ces camps romains depuis un siècle et demi, hein, comme l'a dit Yann. Hein, les premières fouilles les plus déterminantes, de grande ampleur, sont celles qui ont été menées à l'été 1862, donc par le commandant Eugène Stoffel. Et depuis lors, bon, il y a eu un doute hein, sur ces premières découvertes, parce que un peu l'héritage archéologique de l'empereur est un peu parti aux orties en même temps qu'avec la guerre de 70. Hein. Il y a eu de premières campagnes de vérification dans les années 1936-1939, qui ont été très probantes apparemment, mais la publication était de très médiocre qualité, puis confidentielle, parce qu'elle s'est faite pendant la guerre. Donc après, le dossier est resté enterré pendant plusieurs décennies. C'est à ce moment-là qu'une espèce de bataille picrocolline s'est développée dans la région de Clermont pour savoir si Gergovie était bien Gergovie. Et on a repris le dossier au milieu des années 90. Bon, dans le contexte du développement de l'archéologie de sauvetage et qui malheureusement sur ce dossier-là est arrivé un peu tard parce que aujourd'hui, Yann ne vous l'a pas dit, mais on est comme dans un espace périurbain très très urbanisé. C'est pas évident pour les archéologues de trouver des espaces encore disponibles. Et donc en 94-95, on est intervenu, je dirais, parce qu'on a vu un magnifique profil de ce fossé en V dans les terrassements de construction d'une maison. Et à partir de là, donc à la demande du service régional de l'archéologie pendant 2 années, de façon extra, avec des sondages très modestes, on a repris le dossier pour donc vérifier l'emplacement des deux camps, de la fortification intermédiaire, voir l'état de conservation qui n'est pas extraordinaire, et puis surtout collecter quelques objets, c'est complété par les fouilles plus récentes de Yann, qui eux aussi ne sont pas spectaculaires, mais ils sont tout à fait déterminants, hein, de l'armement romain, boulettes, balistes, traits de catapultes, et des objets de la vie quotidienne parfaitement datés du milieu du 1er siècle avant notre ère, donc qui prouvaient si c'était encore à prouver qu'on avait bien affaire aux aménagements romains de la bataille décrite par César. Mais il reste encore beaucoup à faire. Alors, Yann vous l'a dit, on trouve peu de structures superficielles, hein. Bon, des vestiges archéologiques de tentes, c'est pas absolument évident. En plus, on est sur un secteur qui a été très très intensément cultivé par la vigne, pour la vigne et les arbres fruitiers au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Donc on a des phénomènes d'érosion qui sont tout à fait importants et ce qui fait que voilà, on n'a pas un état de conservation homogène de ces vestiges. Yann de Berge, l'attaque de César est lancée. D'ailleurs, il la lance visiblement de nuit, une attaque de diversion avec quelques escadrons. Comment se déroule la bataille ? Visiblement en 5 phases ? Disons que César est un peu contraint à l'action par Vercingétorix. C'est une place qui est extrêmement difficile à prendre. Hein. Tout va contre la possibilité de prendre la ville. Elle est très haute, il y a beaucoup de troupes, etc. Visiblement, malgré tout, César tente une attaque avec une manœuvre de diversion qui va faire croire à une prise d'un objectif simulé pour un peu dégarnir les fortifications, les défenses de Gergovie et puis lancer une attaque frontale depuis le petit camp. Qui va malheureusement échouer, hein, puisque les légionnaires vont parvenir jusqu'au rempart, mais ils vont être pris à revers par l'armée gauloise qui est située, qui s'était justement détournée pour aller à l'encontre des troupes qui étaient lancées dans une diversion. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le bilan est extrêmement défavorable pour César, qui avoue perdre 700 hommes au cours de cette attaque, dont 46 centurions, c'est-à-dire les 3/4 d'un corps du corps encadrant d'une légion. Donc, il est probable qu'il minore largement les pertes qu'il subit à ce moment-là. Et à la suite de l'échec de cet assaut, il va pas traîner. Hein, puisqu'il reste 2 jours supplémentaires et puis lève le camp en direction du nord pour faire la jonction avec son second corps d'armée qui est stationné plus au nord. En ce printemps ou été 52, pourquoi l'implacable machine de guerre romaine s'enraye-t-elle ? Devant Gergovie ? Devant Gergovie. C'était un siège qui était, à mon avis, intenable. La position est extrêmement défavorable. César est finalement complètement isolé en territoire arverne. Il a tout contre lui, a priori. Hein. 50 000 hommes, il faut les nourrir au quotidien. Si Vercingétorix a bien préparé le terrain, il n'a pas laissé grand-chose pour se nourrir dans les campagnes. Voilà, et la position était complètement défavorable à César. Vincent Guichard, que reste-t-il à faire à Gergovie ? Faire quelque chose à l'image donc de Bibracte ? Il faut dire que ce bassin de Clermont-Ferrand où travaille aujourd'hui Yann de Verge, où beaucoup de collègues travaillent sur la fin de l'âge du fer, moi j'ai eu l'occasion de travailler il y a déjà pas mal de temps, c'est un des plus beaux lieux que l'on ait, pour plus belle région que l'on ait pour travailler sur les questions de la fin de l'âge du fer en terre celtique, avec une richesse de données qui est juste exceptionnelle. Donc il reste énormément de choses à faire sur le plateau de Gergovie lui-même. Je pense que l'histoire de l'urbanisme est encore largement à découvrir pour obtenir justement un niveau de connaissance qui soit comparable à celui de Bibracte. Donc on a un très gros déficit de connaissances à Gergovie. Les problématiques de Gondole, donc Yann, et puis certains de ses collègues de l'INRAP ont pu fouiller sur des quartiers extérieurs. À l'intérieur même de la fortification, on n'y a jamais fouillé. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est un site assez atypique pour la Gaule centrale. Donc fort heureusement, Coran, grâce aux fouilles de Mathieu Poul, depuis près d'une vingtaine d'années, est nettement mieux connu. Mais encore, il y a des choses qui restent à découvrir. Notamment, Mathieu s'intéresse aujourd'hui aux fortifications. Donc oui, ma foi, à choisir dans les priorités, je crois que si j'avais à faire le travail, ce qui ne sera pas le cas malheureusement, moi je choisirais d'ouvrir un grand secteur d'habitat à Gergovie pour comprendre les modalités d'abord de première installation urbaine du 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, et de comprendre comment arrive l'influence romaine dans l'architecture. Yann de Verge, Vincent Guichard, merci beaucoup. Merci Vincent Guichard de vous être déplacé jusqu'à Dijon donc pour cette émission. Yann de Verge, je signale que vous avez récemment copublié un très gros ouvrage, Les fortifications de l'oppidum de Gergovie, bilan historiographique et nouvelles recherches, aux presses universitaires Blaise Pascal. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Inès De Bruyne, et bien sûr avec la collaboration de France Bleu Bourgogne, que je remercie, et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.